De l'huile dans les rouages sur Fadjet. Bonjour et bienvenue sur Fadjet pour une nouvelle chronique de l'huile dans les rouages en compagnie de Noémie. Bonjour Noémie. Bonjour Yves. Comment ça va? Écoute bien, je suis détendue, heureuse de revenir te voir. Et en plus, c'est une période un peu particulière, les fêtes. Voilà. Des fêtes de Noël. Voilà, on est en décembre, on approche de Noël, donc je me suis dit que ça serait intéressant de vous parler d'un sujet particulier. Alors tu vas nous parler aujourd'hui des... Strokes, oui, les strokes. C'est quoi, c'est des bêtes, c'est ça, c'est alors vivant. Ça vient du mot anglais en strike, hein. Quand on fait un strike, c'est on a réussi à toucher le but, à faire tomber toutes les quilles. Et ben, comment est-ce qu'on fait pour atteindre correctement l'autre ou se faire atteindre correctement dans nos intentions, si on veut montrer qu'on aime ou si on veut sentir qu'on est aimé? Quels sont les 5 langages de l'amour, on dit aussi ça, ou les signes de reconnaissance, les strokes? Voilà, surtout dans cette période de Noël où voilà, on fait plein de cadeaux. Voilà. Je me suis dit, c'est peut-être pertinent de parler de comment faire pour bien faire sentir aux autres qu'on les aime et aider les autres à bien faire sentir qu'ils nous aiment, à toucher au but. Alors comment on fait? Il a été identifié 5 façons de montrer sa reconnaissance, son amour au sens général, hein, envers l'autre. Et donc c'est intéressant de les connaître pour déjà identifier c'est quoi les nôtres. Donc par exemple, les moments de qualité. Est-ce que c'est très important pour moi d'avoir des moments de qualité avec les gens que j'aime? Toi, est-ce qu'il y a un cadre particulier où les moments de qualité, ça compte plus au travail, en couple, en famille, entre amis? Oui, ça va être en famille quand on se retrouve. Voilà, est là, ce qui compte s'écoute. Le plus, par exemple, peut-être pour toi dans les fêtes, c'est le fait d'être réunis et d'être ensemble avec les gens que t'aimes. Plus que, par exemple, un autre stroke, c'est les cadeaux. Les cadeaux, c'est souvent ce qu'on met le plus en avant, le matériel. Ouais. Est-ce que pour toi, c'est quelque chose qui compte beaucoup en général? Personnellement, pas du tout. Voilà. Donc, alors, il y a des gens, par exemple, pour leur anniversaire ou pour les fêtes, le cadeau, il va avoir une dimension plus ou moins importante. Ça comptera beaucoup moins que le fait de passer du temps avec des gens. Ou ça peut être l'inverse. Il va mesurer indirectement comment l'autre l'aime. Si le cadeau soit coûte très cher, par exemple, s'il y met la valeur là, ou s'il est la pertinence du cadeau par rapport au centre d'intérêt. Et donc, les cadeaux, c'est important de savoir si on préfère recevoir de l'argent pour choisir ensuite, si on préfère voir que la personne, elle s'est un petit peu creusé la tête, elle a fait attention à ce que je lui ai dit les derniers temps, des choses comme ça. Donc, on a les cadeaux qui peuvent compter. On a aussi le contact physique. Donc, il y a des cadres. Alors, même au travail, ça peut compter, le contact physique, sentir qu'on nous fait une tape sur l'épaule, qu'on nous regarde. Vraiment, et ben ça peut compter, mais souvent c'est quelque chose qui peut être très important dans le cadre du couple ou de la famille. Prendre dans les bras, faire des câlins, ben c'est des marques d'affection sans parole qui permettent de rassurer et d'être rassuré sur le fait que le lien est toujours là, l'attention et l'amour est toujours là. Il y a aussi la parole. Ouais, alors super important, alors enfin, super important. À mes yeux, mais ça dépend des gens, entendre des phrases valorisantes, des encouragements, des « j'apprécie quand tu »,« ah ça j'ai adoré », »,« ah merci d'avoir fait ça », ou « ah qu'est-ce que t'es doué pour faire ça ». Donc ça, bah, par exemple au travail, ça peut avoir une énorme importance et ça peut avoir plus d'importance dans un champ de votre vie que dans l'autre. Vous avez peut-être plus besoin qu'on vous le dise au travail que dans le couple. Ou vous avez peut-être plus besoin de l'entendre en famille qu'au travail. Ça dépend des gens. Et le cinquième strokes? C'est les services rendus. Par exemple, moi, voilà, mes amis, ils savent que ce qui m'aide beaucoup dans la vie, c'est pas de me faire un chèque si je suis en galère, c'est de venir m'aider à faire quelque chose dans mon jardin ou faire du bricolage chez moi. Et puis en plus, on va passer un moment de qualité, on va rigoler, donc on va combiner deux trucs. Donc c'est intéressant de se dire, tiens, moi, qu'est-ce qui compte le plus dans ces 5? Qu'est-ce qui m'atteint le plus et dans quel champ? Parce que bah, comme ça, vous allez pouvoir le signaler autour de vous. Est-ce que c'est les moments de partager? Est-ce que c'est les cadeaux? Est-ce que c'est le contact physique? Est-ce que c'est les paroles valorisantes? Est-ce que c'est les services rendus? Et donc, par exemple, comme ça, en le disant dans le couple, par exemple, on va réussir à recevoir pleinement les choses. C'est-à-dire que si pour moi, les cadeaux comptent beaucoup, je vais tendance à donner comme j'aime recevoir. Et si l'autre, en fait, c'est pas ça qui compte pour lui, c'est plutôt les câlins, les contacts physiques, eh ben on va pouvoir acheter tous les cadeaux du monde qui coûtent très cher ou qui sont très pertinents. L'autre, il va pas être atteint et ça va pas nourrir la relation. Alors que si l'autre me dit, ben moi, ce qui compte le plus, là où je me sens le plus aimé par toi, c'est quand tu me prends dans les bras, eh ben ça coûte rien et ça marche beaucoup plus. Donc voilà. Ça, c'est génial en fait. Si j'arrive à savoir quels sont mes strokes et à le signaler à mon partenaire et vice-versa, je vais pouvoir donner à l'autre comme il aime recevoir et vice-versa. Et donc là, l'amour va se rencontrer et se nourrir. Eh bien, en cette période de fête où on va beaucoup se retrouver, s'offrir des choses, eh bien, ou du temps, ou des cadeaux, ça compte beaucoup. Je vous invite à prendre le temps de vous interroger quels sont les strokes les plus importants pour moi et à le signaler autour de vous. Merci beaucoup. Joyeuses fêtes à tous et profitez bien des fêtes de Noël. Joyeux Noël, Yves. Joyeux Noël. Au revoir. Si vous avez envie que l'on aborde des sujets précis, des questions à poser, des témoignages à partager concernant les outils évoqués, écrivez-nous à contact@fadjet.net.